topic, ouais. C'est Scamicab. Pas très bien, je vais te raconter ce qui m'agace. Y'a moins d'une semaine, je conduisais seul en état d'ivresse. Y'avait de la grêle et j'étais fatigué pour te dire vrai. Bientôt chez moi, donc j'accélère d'un air farouche. Pour rejoindre mon appart, il me reste un dernier feu rouge. Mais manque de bol, je n'ai pas vu la poussette. Je me sens impuissant, maintenant le suicide est une vilaine pensée. Je t'avoue topic, ce monde finirait par quitter. Mais putain de ce gosse que j'ai percuté. Le pire de ça, c'est que j'ai fui. Trop peur d'assumer son pic, au secours je flippe. Imagine, on parle de moi dans les journaux. Mais me dénoncer, j'y renonce, écoute. Je ne mange plus, je ne bois plus, je ne dors plus. Je n'interfère plus à cette vie, je suis coupable. Va dire plus, putain, écoute son pic, rends-moi service. Va voir la mère du petit, car ce putain de silence me casse les couilles. Je t'ai envoyé une lettre que tu leur mettras. Dis-moi, j'ai écrit sans gants, putain, les flics auront mes traces demain. Tant pis, c'est fait, il était temps de savoir. Tous les jours, je pense au gamin, j'ai l'impression d'entendre sa voix. Sopi, quand tu verras la mère, dis-lui mille excuses que je regrette. Et je voudrais qu'une chance dans mon excuse. Je te laisse. Faut assumer ses actes, ce gamin aurait pu être le tien ou le mien. Et c'est exact, pour un oui, pour un non, on est coupable. Faut qu'on en parle avant que le coup. Faut assumer ses actes, ce gamin aurait pu être le tien ou le mien. Et c'est exact, pour un oui, pour un non, on est coupable. Faut qu'on en parle avant que le coup parte. Allô SK, t'as l'air de speed. Gros, t'as bien reçu ma lettre. Ouais t'inquiète, mais je suis touché gros par ton malaise. Demain faudrait. T'en fais pas, tu me connais, c'est déjà fait. Je suis déjà parti voir la famille pour crever la paix. Raconte-moi. Franchin, j'en ai encore la rétine humide. Le genre de situation. Moi j'ai pigé celle qui t'illumine. C'était une petite métisse. Sérieux? Le fruit de la mixité, elle s'appelait Stella. Dolly ou à moins que c'est fait. Non, bref, son doux prénom, j'avoue qu'il s'est noyé dans les larmes de sa mère qui est toute seule à payer le loyer. Me dis pas qu'elle était seule. Bah, pourquoi? Ça me fait trop mal. Tu pouvais pas savoir, rassure-toi. Tout ça me traumatise. Mais non, respect père, t'as pas le mental ou quoi, mon frère? Putain, je vais me buter. Mais non, je t'assure, tout ça m'effraie. Ça grésille, allô? Tu m'entends? Est-ce que t'es toujours hâte? Je m'inquiète pour toi comme si t'étais dans le journal. Fais-moi confiance, tout s'arrange un jour ou l'autre avec le temps. Si merci au pic, mais adieu, j'ai 3-5-7 sur la tente. Putain, mon frère, qu'est-ce que tu fous? Vas-y, mon pote, réponds-moi. En fait, y'a pas eu mort d'homme. Pourquoi tu me réponds pas? C'était pour plaisanter, tout le monde va bien, juste une amusette. La môme était à l'école, t'as juste niqué la poussette. En fait, la dame m'a dit qu'il y avait juste une poupée Bandai. Tu peux arrêter de fuir, escalader de doigts, puis en éventail. Faut arrêter ces blagues. Un bon jour, on se retrouve à genoux pour une cause qui n'existe pas. Pour un oui, pour un non, on est coupable. Faut qu'on en parle avant que le coup parte. Faut arrêter ces blagues. Un bon jour, on se retrouve à genoux pour une cause qui n'existe pas. Pour un oui, pour un non, on est coupable. Faut qu'on en parle avant que le coup parte. Putain, qu'est-ce qui s'est passé là? Moi, je faisais une petite blague. Putain, putain, faut que j'appelle. Allô, voilà c'est Sopic. Ouais je crois Scamicaz il s'est cané. Moi je rigolais, c'était une petite blague. Je fais quoi mon pote? Qu'est-ce que je dois faire là? Vas-y. Ok, Arnaud, je t'attends.